revenir. Mes rhumatismes s'évanouissent. Je me moque des précipices et j'ai même envie de sourire. Tout s'illumine dans le ciel. Les mouettes gueulent, à qui mieux mieux. Dans ma caboche tout est bleu. Mes soucis volent à tire d'air. J'approuve même les mesures et les lois du gouvernement. Qui chaque jour me rassure. Je suis léger comme une plume. Tout est plaisant autour de moi. Le malheur ne m'atteint pas. Il est temps que les gueux assument. Mais à part ça tout va bien. Tant que je travaille et je trime. La sécu est en déficit. La solution est en nos mains. Travailler plus pour gagner moins. Il faut que quelqu'un en profite. Patrie.